Bonjour, je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 2 janvier 2010 avec Alain Corbin et qui s'intitule « Les bonheurs du nez, odeurs naturelles et parfums artificiels ». Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Bonjour, madame. Désiré ? Monsieur, mon médecin m'a ordonné un savon neutre, doux à la peau et dont le parfum soit un parfum naturel. Avez-vous cela ? Bien sûr. C'est même le seul savon qui se vende maintenant. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Dans les aéroports, en ces temps de fête programmés, c'est un curieux sujet d'observation que la ronde hésitante des cadres en voyage d'affaires à l'intérieur des magasins en duty-free, comme on dit dans le jargon international, du côté des rayons où s'offrent tous les parfums. On les voit avec leur attaché-case, ou pour les plus modernes avec leur sac à dos, à la fois incertains dans leur choix et déterminés dans leur résolution à rapporter des flacons à toutes les dames de leur pensée. Des flacons destinés à figurer dignement sous les sapins de Noël ou sur les assiettes des réveillons du Nouvel An. Que les anosmiques me pardonnent, je n'en connais pas d'ailleurs le pourcentage parmi nos auditeurs, que les anosmiques me pardonnent, nous allons parler ce matin de l'odorat confronté aux plus douces fragrances ou à quelques senteurs désagréables pendant les 18e et 19e siècles. Nous allons parler de l'odorat comme acteur et révélateur d'un imaginaire collectif. C'est à peu près le sous-titre du livre fameux qu'Alain Corbin, mon invité, a consacré jadis à ce sujet sous le titre « Le miasme et la jonquille ». Alain Corbin qui a ouvert tant de voies originales dans le champ des sensibilités collectives. Alain Corbin qui en l'occurrence a inspiré le roman de l'écrivain allemand Suskind qui a connu un succès international sous le titre précisément « Le parfum ». Alain Corbin, qui excelle à éclairer les grandes questions des relations entre l'état d'une société et ses bonheurs physiques, ses équilibres affectifs et ses représentations sensorielles. Entends le printemps gazouiller, je sais un hôtel familier où les amants vont effeuiller la marguerite. Il est situé au bord de l'eau, on lit loups, barques et canots. Le samedi, les calicots s'y précipitent pour s'y régaler de beignets, de goujons frits, de vin bouché, de tartes aux pommes de poulet, de mirabelles. On ne saurait mieux être ailleurs, il fait rêver les plus railleurs, car les baisers sont bien meilleurs sous les tonnelles. Ça sent le printemps langoureux et la friture. Nous irons, veux-tu mon amour, quand tu voudras à notre tour dans cet hôtel passer 8 jours pour faire un songe. Tu croiras avoir 17 ans, que tu as peur de ta maman, que je suis ton premier amant. Tendre mensonge, et moi je croirais que tu es celle que jadis j'attendais, lorsqu'adolescent je rêvais de choses folles. Dans la nuit je te conduirai, et le parfum de la forêt soudain nous fera chavirer sur l'herbe molle. Ça sent la nature, ça sent la verdure et les doux aveux. Ça sent la rivière, ça sent sent la poussière, ça sent le ciel bleu. Ça sent l'odeur des blonds cheveux, des yeux rieurs, des lèvres pures. Ça sent le printemps langoureux et la friture. Alain Corbin, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre Lise Gotti dans « Ça sent la friture, ça sent la nature », une chanson de Battel et Marais, une chanson de 1935. Est-ce que vous avez le sentiment que cela nous conduit assez directement dans les préoccupations qui vont être les nôtres ce matin ? Oh, sans doute, mais on retrouve bien des données historiques dans cette chanson de 1935. C'est l'aboutissement, en quelque sorte, d'un mouvement d'exaltation de la partie de campagne qui commence, disons, grosso modo, avec Maupassant. Qui... De Maupassant, Jean Renoir. De Maupassant, Jean Renoir, et qui s'épuise dans le domaine de la chanson populaire avec Bourville, à Joinville-le-Pont. Or, à l'époque, il me semble que c'était presque le comble de l'évocation érotique dans la chanson populaire, que cette liberté des amants qui sont partis là, dans la nature, dans la verdure, elle le précise, avec l'odeur des cheveux qui s'allie aux odeurs des fleurs et de la nature. Donc, je pense que ça faisait rêver, ça ne ferait plus beaucoup rêver, je crois, aujourd'hui. Parce que l'érotisme a évolué. Bien sûr. Vous venez de publier un livre très important sur l'harmonie des plaisirs. Alors, il faut en effet avertir nos auditeurs et nos auditrices qu'il sera forcément un peu question d'érotisme au long de notre conversation, n'est-ce pas, Alain Corbin ? Peut-être un peu. On verra bien. J'ai envie de placer cette émission sous le signe d'une épigraphe qui peut être le propos de Rousseau disant, de Jean-Jacques Rousseau disant « Le nez est la porte de l'âme ». Oui. Nous allons aller jusqu'à l'âme ou pas ? Non, mais je crois que là, il prend contre-pied ce qui a été dit depuis très longtemps dans le domaine de la hiérarchie des sens. Le nez, l'odorat étaient très mal placés. Depuis les philosophes de l'Antiquité, depuis point Platon, Annick Le Guerrer l'a bien montré. Annick Le Guerrer qui a travaillé sur l'histoire du parfum. Qui a travaillé sur l'histoire des sens. À travers les âges. À travers les âges, c'est bien entendu la vue et l'ouïe qui sont les sens nobles dans la hiérarchie des sens en Occident. On reproche à l'odorat d'être trop près de l'animalité, en quelque sorte. On sait très bien que les animaux sont très supérieurs à l'homme, et par conséquent, ça renvoie à l'animalité. Mais, d'un autre côté, on sait aussi que c'est proche du cerveau, et que par conséquent, ça peut créer un ébranlement rapide et puissant de l'être que l'odeur. Donc, il y a une sorte d'hésitation. Néanmoins, en Occident, il est évident que c'est un sens relégué jusqu'au moins au XVIIIe siècle. Oui. C'est jusqu'à l'avènement du sensualisme de Condillac et de ce grand mouvement connu sous le nom de philosophique, quoi, de sensualisme. C'est d'ailleurs pourquoi être anosmique, ce qui veut dire ne pas avoir d'odorat, c'est une sorte d'infirmité secondaire. Oui, c'est considéré. Oui, être anosmique, c'est pas ce qui est le plus grave finalement. Non. Vous marquez très bien qu'il y a un tournant entre le XVIIIe et le XIXe siècle en faisant surgir ce professeur qui émerge au moment de la Révolution, qui est Jean-Noël Hallé. Oui, qui est le premier professeur d'hygiène publique d'ailleurs, qui a une chaire d'hygiène publique. Oui, il y a un tournant à ce moment-là, mais c'est un tournant multiforme, donc assez difficile à saisir. Le tournant essentiel, c'est la crainte de l'infection de l'air dans la perspective néo-hippocratique, c'est-à-dire la perspective des idées d'Hippocrate, de Cos dans l'Antiquité, qui sont remaniées en quelque sorte à la fin du XVIIIe siècle. Alors on craint beaucoup l'infection de l'air, et l'infection de l'air, eh bien, on peut la saisir par l'odorat. Par conséquent, Jean-Noël Hallé se promène sur les bords de la Seine pour essayer de renifler, nous dirions aujourd'hui, tout ce qui pourrait être mauvaise odeur, pour essayer d'y remédier dans le domaine de l'hygiène publique. Il n'est pas du tout anosmique, lui. Non, mais en même temps, à ce moment-là, il y a un autre tournant qui est celui d'un déploiement de l'individualisme et que la sensibilité olfactive est une donnée, me semble-t-il, essentielle dans cette ascension de l'individualisme. Depuis longtemps, Alain Corbin, on s'interroge sur la question de savoir si chaque individu aurait en fait l'originalité de sa propre odeur. Et pour ouvrir cette question, je vais vous faire entendre une interview de Monsieur Roubert, qui était né, comme on dit, NEZ, qui était donc spécialiste de création de parfums chez Houdigan, dans le cadre d'un déjeuner débat olfactif. C'est un reportage de Max Petit du 18 juillet 1957. Et vous allez voir surgir la blonde, la brune et la rousse. En général, on peut dire qu'un parfum, par exemple pour les brunes, c'est des parfums qui sont assez capiteux, assez puissants, assez vanillés. Tandis que pour les blondes, il faut des parfums beaucoup plus fleuris, beaucoup plus élevés, beaucoup plus frais. La brune ressort les parfums qui contiennent des produits animaux, comme le musc, la civette, l'ambre. Tandis que les blondes, les vraies blondes, parce que nous avons encore une histoire de cheveux qui rentre en jeu, on croit une blonde et finalement c'est une brune. Et le parfum ne va pas tout à fait avec elle. Elle est blonde, elle a un parfum pour blonde parce qu'elle dit qu'elle est blonde. En somme, quel conseil donneriez-vous si vous aviez trois jolies femmes devant vous? Toutes les femmes sont jolies, bien sûr, mais si vous aviez trois femmes particulièrement jolies, mettons, prenons les trois couleurs normales en Europe, la rousse, la blonde ou la brune, la sans rousse, donner de nom précis de parfum, que diriez-vous à la blonde? Est-ce une vraie rousse, une vraie blonde ou une vraie blonde? Supposons qu'elle soit vraie. Bon, alors les vraies, pour les brunes, un parfum très puissant, très capiteux, très patchouli, très, très animal, si vous voulez. Une blonde, un parfum beaucoup plus fleuri dans les genres rose, lilas, les fonds, rose, lilas, jasmin et tout. Ben, une rousse, vous savez, elle est assez différente parce qu'il y a malheureusement pour les rousses, je m'excuse pour les rousses, elles ont une odeur très spéciale et qui dénature assez facilement les parfums, les vraies rousses. Alors c'est à elles de choisir le parfum qui leur va le mieux et qu'elles attendent et qu'elles le suivent elles-mêmes. Par conséquent, la roue, c'est le grand mystère. La roue, c'est le grand mystère de la parfumerie et pour le maquillage aussi. C'est une curiosité ancienne des médecins que celle de l'odeur particulière qu'aurait tel ou tel individu, y compris à certains moments de leur vie. Déjà Socrate autrefois expliquait que les jeunes épousés n'avaient pas besoin d'utiliser des parfums puisque les plus douces senteurs émanaient de leur personne. Oui, les jeunes épousées, c'est-à-dire les vierges, c'est une donnée qui est encore très très présente au 19e siècle. Hein. Montaigne dit après plus tard que le corps d'Alexandre fleurait la violette. Oui, ça c'est, on le répète sans cesse au 19e aussi. Mais encore une fois, ça s'accorde à la sensibilité olfactive en même temps. C'est-à-dire que Michelet, par exemple, demande, quand on offre des fleurs à une jeune fille, de faire très très attention au choix de ses fleurs. Déjà, en 1756, le savant Vitoff expliquait que chaque espèce animale possédait son odeur propre. C'est une proposition qui a été ensuite abondamment reprise par d'autres médecins. Oui, mais c'est, je crois, déjà un pensif hein, à l'époque. En revanche, en ce qui concerne la particularité des blondes, des brunes et des rousses. Je pensais bien que vous y reviendriez. Cela renvoie en quelque sorte à une crainte qui est celle de laisser passer les mauvaises odeurs, non pas de la perspiration, c'est-à-dire de la personne, mais simplement de ce que nous appellerions le manque d'hygiène. Hein. C'est pourquoi les parfums du 16e, par exemple, et du début du 17e, étaient des parfums extrêmement forts. Que ce monsieur, à l'issue de son déjeuner en 1957, tienne ses propos, c'est déjà historique, hein. Vous avez pu le remarquer. Je crois qu'on ne parlerait plus des rousses de cette façon aujourd'hui. Un demi-siècle. Voilà, déjà, un demi-siècle. On n'y ferait plus attention à ne pas choquer. Et puis, peut-être qu'il y aurait moins d'insistance aussi sur l'artificialité, puisque monsieur se demande si les blondes sont vraiment blondes, etc. Donc, il y a là une ambiance. Hein, à la fin de ce repas, puisqu'il s'agit, je crois, d'un banquet. Vous l'avez bien noté, on entend les bruits d'ailleurs derrière. Il y a une ambiance qui est déjà datée, me semble-t-il, dans le domaine des sensibilités collectives. Il y a eu pendant longtemps, en effet, l'idée que les parfums servaient à couvrir, à masquer les mauvaises odeurs, plutôt qu'à exalter la beauté des corps. Oui, ben alors ça, c'est l'essentiel. L'histoire du parfum est très compliquée, parce qu'il semble que dans l'Antiquité, je pense par exemple à l'Égypte, nous dit Annick Guerrer, il y avait une volonté de pénétrer l'individu, de pénétrer la chair en quelque sorte. En même temps qu'on offrait des parfums, des aromates aux dieux, on cherchait à effectivement les pénétrer ces dieux, mais aussi se pénétrer soi-même. On peut considérer l'histoire du parfum, longue hein, sur plusieurs siècles, comme l'histoire d'un transfert de la profondeur de la chair à la surface de la peau. Aujourd'hui, il s'agit vraiment on est au bout de ce processus. Il s'agit vraiment de la surface de la peau. Il n'y a plus de désir d'inspirer, en quelque sorte, ou d'affecter la profondeur de la chair. Alors que les anciens, par exemple, interdisaient aux jeunes filles les chants de tubéreuses, de peur que leurs effluves entêtants ne leur montent à la tête. Oui, ça aussi, moi, on a toujours eu peur. Que la sensibilité de la femme aux odeurs est quelque chose qui a toujours fait peur. Pourquoi ? Parce que les médecins du 18e, par exemple, nous disent que une femme qui respire une odeur de fleurs, un peu entêtante, a des mimiques qui évoquent les mimiques de l'amour. Et par conséquent, il y a une sorte d'ambiguïté qu'on peut trouver moralement gênante. Hein. Pour ce qui est du masque, puisque vous aviez parlé du masque, quand le parfum a fait offensive vraiment très forte au 16e siècle et au début du 17e, effectivement, c'est le parfum masque qui l'emporte. C'est-à-dire le parfum qui impose son odeur autour de la personne et qui, de ce fait, peut masquer toutes les mauvaises odeurs que cette personne pourrait porter en elle et, du même coup, désarme l'infection éventuelle du milieu et de la personne. Hein. Et comme en même temps, beaucoup de médecins tels Ambroise Paré pensaient qu'il ne fallait pas prendre de bain parce que cela pouvait avoir de mauvais effets sur la santé, tout se rejoint à cette époque-là, 16e, 17e siècle. Georges Viguerlo a bien montré que l'hygiène corporelle est une hygiène de l'assèchement du corps, c'est-à-dire vous arrivez en sueur chez un ami, il ne va pas vous proposer un bain, mais il va vous proposer des vêtements secs et de sécher les vôtres et de, au besoin, de vous frictionner. Donc c'est une représentation de l'hygiène qui n'est plus la nôtre. C'est déjà un progrès par rapport au Moyen-Âge où on nous dit que les moines ne changeaient de bure que deux fois par an d'après la règle. Pas, ce basculement s'opère au 18e, effectivement, le début des bains, je veux dire des bains individuels, hein, parce que les bains collectifs, vous parliez du Moyen-Âge, il y avait effectivement des bains, c'était une pratique médiévale, mais la pratique privée du bain se développe au 18e siècle, et il fallait pour ça que l'on puisse ne plus avoir peur, en quelque sorte, de l'eau et de sa température. En fait, on a le sentiment d'une évolution du seuil de tolérance par rapport aux odeurs. D'un siècle à l'autre. C'est absolument évident. Je me souviens de l'historien américain Eugène Weber qui me disait, mais ça devait sentir abominablement mauvais à Paris au XVIIe siècle. Je vous ai remarqué que son affirmation était un peu rapide parce que, effectivement, si nous étions transportés brutalement au XVIIe siècle, nous pourrions trouver que ça sent abominablement mauvais. Mais qu'est-ce qui nous dit que les gens qui évoluaient dans cette ambiance trouvaient que ça sentait très mauvais. Donc se posait le problème de la sensibilité, de l'évolution de la sensibilité, de l'histoire de la sensibilité olfactive et de l'histoire des seuils de tolérance. Or, il est évident que à partir du milieu du XVIIIe siècle et selon les catégories sociales, la tolérance aux mauvaises odeurs s'est développée et nos exigences ne sont plus du tout les mêmes. En outre, ce n'est pas linéaire, il y a parfois des contre-offensives, en quelque sorte, dans le domaine de la tolérance. On avait pu dire ainsi que, après 1968, il y avait eu, dans certaines sphères, un retour d'une tolérance plus grande aux mauvaises odeurs d'hygiène. J'en doute un peu, mais enfin, c'est pour dire qu'en histoire, il faut toujours se méfier des mouvements linéaires. Certainement, en histoire toujours, nous savons bien ici. Mais c'est vrai que si on prend, par exemple, le métro il y a 50 ans et aujourd'hui, la différence olfactive, je sais bien que le seuil de tolérance a sûrement évolué, est évidente pour quelqu'un qui a connu les deux expériences. Et puis, il y a une autre chose qui est tout à fait évidente. Moi, j'étais au milieu rural quand j'étais enfant, je n'étais pas du tout choqué par les odeurs des fermes, c'est-à-dire de l'odeur des vaches. Hein, alors que les enfants d'aujourd'hui, qui sont nés dans la ville, quand on les emmène, ils trouvent ça intolérable. Quand on les emmène dans une ferme qui a conservé des méthodes un peu anciennes. Alors sur l'explication de cette évolution du seuil de tolérance, il y a plusieurs explications, vous en donnez au moins deux. Est-ce que les savants ont joué un rôle essentiel, les médecins? Oui. Ou est-ce que ça correspond à une évolution d'une sorte de psychologie collective qui serait, ça c'est une perspective lacanienne que vous évoquez, une interprétation centrée sur la lente construction d'un état fort et la puanteur étant devenue intolérable à mesure que se privatise l'excrément avec la diffusion des fausses aisances. Oui, ça c'est évident que l'expulsion en quelque sorte de l'excrément dans notre société a joué un rôle. Mais il y a aussi autre chose, c'est l'idée que la contagion du microbe est anolfactive comparée à la contagion qui pouvait provenir, ou l'infection qui pouvait provenir de l'air. Selon le grand aphorisme du professeur Brouardel de la fin du 19e siècle. Professeur de médecine. Oui. Tout ce qui pue ne tue pas et tout ce qui tue ne pue pas. C'est absolument essentiel parce que ça reflète en quelque sorte le triomphe de la théorie pasteurienne. Le microbe ne pue pas, mais il peut tuer. Quelque chose qui sent très mauvais pue, mais peut-être ne va pas tuer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a cessé, par exemple, de se couvrir le nez d'un mouchoir en visitant les cimetières. On a perdu la crainte d'attraper quelque chose de très grave uniquement par l'odeur. Tout ce qui pue ne tue pas, tout ce qui tue ne pue pas. J'aime beaucoup les aphorismes des médecins de ce temps. Oui, vous les avez beaucoup fréquentés. C'est très concentré. Toujours avec profit. Alors, il y a une autre évolution qui frappe, je ne sais pas si ça rejoint votre aphorisme, c'est le passage progressif du musc à la rose, pour faire bref, c'est-à-dire de ce qui est odeur, parfum lié à l'animal, à l'animalité du parfum, vers ce qui est, au contraire, floral et d'une nature toute différente. Je vais vous faire entendre un propos de Monique Schlinger, qui a fondé la société Cinquième Sens, évidemment l'odorat, qui se pose comme experte en odeur et qui est interviewée sur France Culture, dans le cadre des Nuits Magnétiques, en décembre 1987. Monique Schlinger. Alors, le jasmin, c'est une note très chaude, puissante, pas agressive, elle est ronde, elle est animale. Et alors, c'est ça qui est amusant, c'est une facette animale qui n'est pas du tout la même que celle du musc. C'est pas la note animale. Quand on sent le musc, on va dire, ça sent la bête. Tandis que le jasmin a cette note chaude, animale fleurie. Enfin, c'est un produit de grand luxe qui apporte tout de suite dans la composition le luxe. Il n'y a pas d'autre mot. Et le musc, comment le sentez-vous? Ah, le musc, ça, c'est là le typique de l'odeur pour les profanes qui n'est pas bonne et qui est bonne pour nous. C'est vraiment, et qui est intéressante pour nous. Bien sûr que quand le néophyte va sentir le musc sur lequel nous nous extasions, c'est là où ils vont dire qu'ils sont complètement fous. Ce sont des produits, malheureusement, que nous employons de moins en moins vu leur prix, vu leur difficulté d'approvisionnement. Et c'est la note animale par excellente, mais encore chaude. Donc vous avez deux notes chaudes là. Hein. Le musc, c'est indéfinissable dans la mesure où c'est cette note au départ, cette note animale, presque fécale, il faut dire les choses comme elles sont, presque ammoniaquée quand elle est fraîche. Et puis, sur le temps, ce sont des notes qui travaillent, si vous voulez. Si je donne ces deux touches, les garde, vous les mettez dans votre sac, ça va sentir pendant des mois. Et c'est là, toutes ces matières premières, elles sont extraordinaires, et surtout le musc. Et le musc, en s'évaporant, en vieillissant, va devenir complètement différent de ce départ qui paraît un petit peu agressif. Et c'est tout l'art du parfumeur, c'est de masquer les facettes agressives et de garder, de ne conserver que les notes chaudes, que les notes intéressantes. C'est ça le vrai travail du parfumeur. Alors, Alain Corbin, sous le regard de l'osphrésiologie, c'est-à-dire, chacun le sait naturellement, la science de l'odorat, cette opposition un peu binaire entre le musc d'un côté, musc animal, et d'autre part la fleur, vous paraît valide ? Voilà, elle est essentielle. Elle conduit l'histoire de la parfumerie et l'histoire de la sensibilité olfactive entre le 18e et nos jours. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a voulu que le parfum répercute l'odeur propre de la personne, l'odeur individuelle. Pour ça, il fallait d'une part se débarrasser des masques, dire ne pas trop mettre de musc, d'ambre ou de civette, accompagner en quelque sorte, exalter la perspiration, l'odeur propre de la personne par des odeurs florales, par des odeurs douces. Et donc, cela conduit à la fin du 19e siècle à la à la grande parfumerie, à la haute parfumerie, avec Houbigant, par exemple. Mais cette dame qui vient de parler, ce spécialiste, a souligné quelque chose d'assez important, c'est le pouvoir persistant de ces anciennes odeurs quand elles étaient pures, en quelque sorte. Le musc était produit à partir du chevrotin. Oui, c'est une glande, des produits d'une glande. Alors, lorsque Napoléon Ier, qui dit-on, n'était pas très raffiné, mais aimait beaucoup les parfums un peu forts. On dit qu'il se versait des flacons entiers d'eau de Cologne sur la tête. Quatre lignes par jour. Effectivement. C'est lui aussi qui écrivait à sa femme Joséphine, ne te lave pas, j'arrive. Voilà, j'arrive. Bon. Alors, Joséphine, précisément, aimait aussi ce type de parfum un peu fort. Sans doute son origine antillaise y était-elle pour quelque chose à l'époque, hein. On rapporte que la Malmaison a continué de sentir des odeurs de Joséphine pendant... Jusqu'aujourd'hui ? Peut-être pas jusqu'aujourd'hui, mais pendant très longtemps. Donc, pour confirmer cela, et aussi pour confirmer l'idée que cette histoire n'est pas linéaire, parce que à la cour de Marie-Antoinette, il y avait sans doute plus de raffinement olfactif qu'à la cour de Joséphine. Et durant la Restauration, il y a un retour volontaire au parfum de Marie-Antoinette, au parfum donc plus délicat. Donc, les émigrés ne s'en seraient pas vraiment étonnés. C'est l'histoire des fluctuations courtes, en quelque sorte, de l'histoire des sensibilités aux bonnes odeurs. Mais déjà à la cour de Louis XV, on nous dit que l'étiquette prescrivait l'usage d'un parfum différent chaque jour, et c'était parfums floraux. Il y a eu le succès de l'eau de rose, et puis il y a eu ceux de la violette, du thym, de la lavande et du romarin. Oui, c'était des grandes créations d'artisans, hein. Il s'agit d'artisans parfumeurs qui n'avaient pas les mêmes buts, les mêmes désirs et les mêmes ambitions que les créateurs de haute parfumerie de la fin du 19e siècle, qui eux avaient un désir en quelque sorte de création poétique, de se poser comme des esthètes à l'égal des grands peintres ou des grands écrivains. L'idée que la fleur, d'autre part, est liée à la beauté féminine, à l'expression de sa séduction et en même temps directement de ses émotions, date de quand ? Ah, je ne sais pas, mais alors là, vous abordez un autre aspect de l'histoire de la fleur qui est l'histoire de symbolique. Et ça renvoie, par exemple, aux jardins de la Renaissance, qui sont des jardins de symboles. Et ça renvoie, dans le domaine de l'érotisme, à quelque chose de magnifique, qui est le blason. La poétique des blasons au XVIe siècle, de la part d'un Ronsard, même... Le blason du corps féminin. Même du Bélé, oui. Le blason du corps féminin, qui est exaltation des différentes parties du corps énumérées les unes après les autres. Alors, à ce propos, on peut évoquer pour telle ou telle partie du corps des fleurs. Une chanson, une seconde chanson, Alain Corbin. Michel Arnaud qui chante « La rue s'allume ». C'est une chanson de Louis Ducreux de 1955. Une cigarette fume près du lit où je lis. Pourquoi ce soir ne puis-je supporter l'odeur des roses? Son auto s'enfuit sans bruit et la chambre se parfume d'un espoir évanoui. Et moi ce soir je ne peux supporter. Il avait un beau costume, couleur d'un soir de Paris, rose et gris, couleur de brume, imprécis comme lui. C'est lui pourtant qui m'avait emporté. je ne peux supporter. On trouve dans cette chanson Alain Corbin d'ailleurs la notion de mémoire olfactive qui n'est pas sans importance. Certains disent que les premières sensations dans l'ordre de l'odorat que les bébés peuvent avoir sont de grande importance pour la formation de leur personnalité. Oui, bien entendu. Et en ce qui concerne l'importance du signe mémoratif de l'olfaction, c'est vraiment un topos qui court tout au long du 19e siècle. Un lieu commun. Un lieu commun, oui, je voulais dire, parce que dès, par exemple, les souvenirs de George Sand concernant sa petite enfance sont en partie des souvenirs olfactifs, elle le souligne. Et ça aboutit un siècle plus tard à l'évocation de la petite Madeleine de Proust, qui est peut-être gustative, mais aussi olfactive. On retrouve ça vraiment partout. Je ne connais pas d'écrivain du 19e siècle qui n'ait pas souligné cela. Maupassant étant particulièrement insistant dans ce domaine. Sur l'importance du sillage d'abord, du sillage olfactif, nous n'en avons pas parlé. Ah, c'est Marcel Rochas, le parfumeur, qui disait on doit respirer une femme avant même de la voir. Voilà. Alors, le sillage olfactif de la femme qui s'incruste dans la mémoire et qui donc est conservé en quelque sorte intact et qui peut ensuite suggérer la réminiscence, quoi. C'est-à-dire vraiment le signe mémoratif. Et ça, on a beaucoup souligné le fait que c'était particulier à l'odorat, que c'était plus fort en ce qui concerne l'odorat que en ce qui concerne l'audition ou la vue, ce qui est peut-être discutable. Enfin, c'est une conviction de l'époque. C'est ce que nous dit en somme d'ailleurs Michel Arnaud à propos de son bonheur enfui. Le 19e siècle étant le siècle bourgeois, comme on sait, Alain Corbin, c'est le temps où les hommes, les mâles bourgeois, cessent en fait de se parfumer. C'est en assez violent contraste avec le XVIIIe siècle. Casanova ne cesse pas, dans sa stratégie amoureuse lui-même, d'utiliser des parfums. Et encore, comme on sait, sous le Directoire, les muscadins, ce sont ceux qui se parfument précisément encore avec le musc. Oui, mais le XIXe siècle, c'est, pour reprendre une formule de Baudelaire, le sexe en deuil pour les hommes. C'est-à-dire qu'ils sont en noir, en gris, ils peuvent porter évidemment la moustache, voire la barbe, mais il n'y a aucune volonté de faire sentir en quelque sorte la séduction autrement que par l'apparence, la stature, les postures. Il ne reste plus qu'une vague senteur de tabac. Oui, et les hommes, en plus de ça, ne doivent pas faire preuve d'émotion. C'est le code de la virilité du temps qui impose la maîtrise de soi et par conséquent une certaine retenue. La séduction de l'homme maintenant vient de la virilité et non plus du tout de son apparence et de la fêterie. Il doit se distinguer des petits maîtres dont vous parliez, des petits maîtres du XVIIIe siècle. Parce que il y a eu les guerres de la Révolution, les guerres de l'Empire qui sont passées par là, et cela a imposé un code de la virilité qui s'est éloigné de ce que vous évoquiez à propos du XVIIIe siècle. Avec de surcroît un progrès de l'hygiène corporelle, grâce notamment à l'eau courante. De ce point de vue-là, Haussmann, avec les conduites d'eau courante à Paris, représente une date importante. Oui, certainement, mais auparavant déjà, il y a une volonté de distinction. Une des fonctions du parfum, c'est se distinguer. D'abord, l'hygiène corporelle distingue les élites, les membres de l'aristocratie, qu'il s'agisse de nobles, de grands bourgeois, etc., distinguent les élites du commun du peuple, qui figure aux yeux de ces élites un marais dangereux, biologiquement dangereux, à cause de la contagion et de l'haleine du pauvre, en quelque sorte. L'haleine des faubourgs. Politiquement dangereux, bien entendu, avec les barricades. Dangereux en soi, à cause de la fréquence du crime, classe laborieuse, classe dangereuse, écrit Frégier. Et il semble que l'hygiène corporelle d'une part et l'adoption d'un parfum raffiné permet de se distinguer. C'est la distinction. On retrouve cette distinction dans tous les écrits du temps. Alors quel est le rôle de l'odeur dans l'effort de la bourgeoisie pour pousser les pauvres à se décrotter, à se laver. L'image de l'haleine des faubourgs est tout à fait typique et représentative de l'importance que l'odeur peut avoir, au moins dans un ordre symbolique, dans cette lutte des classes. Oui, mais pour revenir, par exemple, quelque chose de très choquant qu'on ne relève pas dans Germinal de Zola, c'est que la femme du patron fait aérer la pièce après la délégation syndicale, après le passage de la délégation syndicale. C'est quelque chose de terrible pour les sensibilités d'aujourd'hui, mais qui est tout à fait convenable. Pour une autre raison aussi, j'avais demandé à un jeune historien qui a fait un très beau travail d'analyser les modes de séduction dans les Rougon-Macquart, dans la série des ouvrages, des romans de Zola. Il avait trouvé quoi? Il trouvait que dans les classes de l'élite, chez les patrons, par exemple, là, de Germinal, la séduction s'opérait à distance. La séduction par le regard, par le sourire, mais aussi par l'olfaction qui opère à distance. Alors que dans le peuple, eh bien, les gens s'empoignaient, c'est le toucher, si vous voulez, c'est la brutalité, c'est, on voit ça avec Gervaise, Coupeau dans l'Assommoir. Il y a donc une distinction qui paraît évidente. Je crois que Zola lui-même n'a pas cherché à montrer en quelque sorte volontairement cette distinction, mais ça vient assez naturellement sous sa plume. Lui qui était si attentif par ailleurs aux odeurs, puisque tout le ventre de Paris, tout le roman Le ventre de Paris tourne autour de l'olfaction, de la part d'un écrivain qui par ailleurs sentait mal quand il est passé quand on l'a soumis à l'olfactomètre du professeur Toulouse et Passy, Zola s'en est fort mal tiré. Est-ce que vous diriez, Alain Corbin, que cette opposition reflétant des conflits sociaux, des oppositions sociales en tout cas, se retrouverait aujourd'hui? Il me semble qu'on peut dire que partout on se touche un peu plus dans les contacts, les contacts personnels, et que d'autre part l'idée de la diminution des mauvaises odeurs, ce qu'on éprouve comme tel, peut être affirmée pour à peu près tout le monde. Oui, je crois quand même qu'il y a une harmonisation, que ces distinctions sociales très nettes au XIXe siècle, mais cela se réfère à bien d'autres données que l'olfaction, se sont atténuées. En outre, il y a eu des critiques qui ont été faites à cette analyse des distinctions sociales en disant, après tout, peut-être que les gens du peuple de l'époque souhaitaient très très vivement requérir aussi ce type de parfum, ce mode d'hygiène, mais qu'ils n'en avaient pas la possibilité. Alors là, c'est un grand problème en histoire. Est-ce que ce sont les modes de délectation qui ont changé, ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui se réfère à la pauvreté, en quelque sorte à l'incapacité de se comporter comme ceux qui se distinguent? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, interprétation du côté... Mais moi, je suis très prudent dans ce domaine, parce que je pense qu'il y a des plaisirs. Il y avait des plaisirs à sentir la sueur, par exemple, dans certains milieux que peut-être d'autres n'éprouvaient pas dans d'autres milieux. Je crois pas que... Au XIXe siècle, tout au moins, les gens étaient construits à ce point de vue de la même manière. Donc vous iriez chercher une explication plutôt du côté des sensibilités que de la situation économique. Oui, mais enfin, disons, je serais prudent. Mais par exemple, dans le domaine érotique, l'odeur de la sueur, l'odeur des aisselles, etc., a persisté quand même assez longtemps. Elle est devenue intolérable. Enfin. Bien au-delà de Napoléon Ier avec Joséphine. Oui, bien au-delà de Napoléon Ier avec Joséphine. Donc, il y a des transformations extrêmement profondes qui sont d'ordre anthropologique. Et ça, on accède là, si vous voulez, à quelque chose d'extrêmement profond dans le domaine historique. Bonjour, madame. Vous désirez? Monsieur, mon médecin m'a ordonné un savon neutre, doux à la peau, et dont le parfum soit un parfum naturel. Avez-vous cela? Bien sûr. C'est même le seul savon qui se vende maintenant. Si vous voulez un savon de toilette qui soit très doux, qui sente vraiment bon, un seul nom doit vous venir en tête. Mon savon, mon savon, mon savon. Le savon qui sent bon. Oui, mais ce qui me frappe dans cette publicité, c'est qu'elle s'adresse à des gens qui connaissent la Madelon. On est en 1933. Voilà, c'est-à-dire à des soldats qui, à la caserne, ont chanté la Madelon et l'ont sans doute chanté en famille par la suite, parce que aujourd'hui, franchement, cette Madelon est sans doute bien oubliée, donc par conséquent, cette publicité tomberait à plat. Eh bien, puisque vous parlez de la Madelon, ça donne le goût de réfléchir à l'évolution des relations entre la femme et le parfum au long du 19e et du et du XXe siècle. Le bon goût change, et l'attrait pour la fleur en particulier, pour l'ensemble floral, tout cet ensemble de parfums spécifiques, supposés légers ou autres, s'affirme. Oui, bien sûr, depuis la fin du XVIIIe. Et puis, il faudrait peut-être ici faire allusion à la distinction entre le parfum et l'eau de toilette. C'est-à-dire ? Ce qui a été, pendant très longtemps, on a pensé que les jeunes filles ne devaient pas se parfumer au sens du parfum. Il ne s'agissait pas d'aller acheter le numéro 5 de Chanel, mais que les jeunes filles, avant le mariage, encore donc censées être vierges, devaient se contenter des eaux de toilette qui mettaient un petit peu en valeur leur parfum de rose, précisément, enfin de virginal. Quoi, si vous... Numéro 5, je rappelle, ne date que de 1921, donc au 19e siècle, ouais, il n'aurait pas pu se le procurer. Victor Hugo, dans Les Travailleurs de la mer, évoquant la nuit, la sortie de Déruchette dans son petit jardin, alors que son amant malheureux est en train de la regarder. Qu'est-ce qu'il remarque, cet amant ? Il remarque que Déruchette respire l'odeur des fleurs, champêtres, mais qu'elle évite de respirer le lys, parce que c'est une jeune fille pure, etc., qu'une jeune fille pure dans l'esprit de Victor Hugo, ou du moins dans la description qui en est faite. Victor Hugo éprouve le besoin de souligner que Déruchette évite de respirer le lys. Et dans le même temps, c'est aussi le siècle de Baudelaire. Voilà. Et de sa c'est maîtresse. Une révolution. De sa maîtresse, le fameux poème de la chevelure, qui ne donne pas exactement le sentiment de relation du genre de celle que vous venez d'évoquer, Alain Corbin. Je vous propose une lecture par Jean de Sailly de la chevelure de Baudelaire, une lecture qui remonte à 1967. Ô toison moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir, extase, pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme, plein de sève, se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un port retentissant où mon âme peut boire à grand flot le parfum, le son et la couleur. Où les vaisseaux, glissant dans l'or et dans la moire, ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues de l'huile de coco, du musc et du goudron. Alors, Alain Corbin, dans ce fameux poème de Baudelaire, vous distinguez des senteurs naturelles ou des fragrances artificielles ? Et est-ce que vous apercevez quelque chose comme l'esquisse d'un fétichisme de la chevelure ? Je voudrais d'abord dire qu'il faut être très prudent et laisser aux spécialistes de Baudelaire le soin de commenter une telle chose. Si non, vous non, voulez, non, vous commentez, mais, vous commentez aussi. Dans la perspective qui est la nôtre, là, moi je relèverais certaines choses. D'abord, l'alcôve. Faut pas oublier que, pour ce qui est du domaine de l'érotisme, là, au 19e siècle, les amants donc font l'amour dans des alcôves. Et que l'alcôve magnifie les odeurs, puisque elle les enferme, en quelque sorte. Donc la comparaison avec l'alcôve, enfin l'allusion à l'alcôve a un sens historique précis. De la même façon, la chevelure. Nous savons que dans la seconde moitié du 19e siècle, ce qu'on appellera fétichisme à partir du docteur Binet, se focalise sur la chevelure. Il y a une nouvelle de Maupassant qui est totalement consacrée à ça. Les policiers nous disent qu'il y a des hommes qui coupent la chevelure des femmes dans les grands magasins pour les emmener chez eux le soir. Donc, il y a, me semble-t-il, une attention répercutée, insistante dans ce poème à la chevelure. Il y a aussi quelque chose que les baudelairiens ont beaucoup étudié, qui relève des correspondances. Des correspondances entre les sens, et peut-être que nous avons un peu négligé dans notre conversation cette idée qu'il ne faut pas étudier un sens en lui-même, mais tout seul. Il est encore temps, effectivement. De plus en plus, l'histoire se préoccupe de la combinaison des sens. Surtout les anthropologues, si vous voulez, mais aussi les historiens, qui s'intéressent à la fois à la hiérarchie entre les sens, dont nous avons parlé, à la balance, c'est-à-dire l'importance relative accordée aux différents sens, mais aux correspondances, qui ne sont pas les mêmes. En Chine, par exemple, Constance Classen montre, si je me souviens bien, que les correspondances entre l'ouïe, entre le musical et l'olfactif et le parfum, c'est quelque chose d'important, la musique et les relations entre la musique et le parfum ne sont pas les mêmes. Donc, Baudelaire, dans ce domaine, signale, si vous voulez, quelque chose d'important. Puis, enfin, il me semble que forêt aromatique, noir océan, je ne sais plus, il y a toute une série de ébène, oasis, il y a toute une série d'allusions à l'exotisme, évidemment, et qui est en rapport avec sa maîtresse, je suppose. Jeanne Duval. Les spécialistes diraient que sa maîtresse noire, qui fait que cela enrichit et elle perturbe à la fois tout ce qu'on peut dire d'habituel à propos de la société française du 19e siècle, parce que cette intrusion, en quelque sorte, élargit le propos, et le perturbe dans la mesure où il n'est sans doute pas représentatif. Vous nous dites en somme qu'il faut ajouter à l'histoire olfactive une sorte de géographie olfactive, puisque Baudelaire, qui est présente là. Par cette chevelure qui, prosaïquement, on peut le signaler, ne paraît pas avoir connu le shampoing, c'est ça sa force. Elle a toutes les odeurs qui viennent s'y rassembler et qui permettent une sorte d'élargissement de l'imagination. Oui, oui. Revenons à la sensibilité. Les nés, comme on dit maintenant, c'est-à-dire ces spécialistes de l'invention, de l'imagination des parfums, ils ont tous une sorte de parrain symbolique. C'est le héros de Huysmans dans À rebours, le fameux des Esseintes, avec la personnalité de ce noble un peu décadent qui s'enferme dans une villa de la banlieue parisienne pour s'y créer un monde conforme à ses goûts et où il va cultiver toutes les sensations susceptibles de lui procurer un plaisir, et notamment un plaisir nouveau, un plaisir subtil, et notamment l'invention de parfums inédits. Avec ses vaporisateurs, il injecta dans la pièce une essence formée d'ambroisie, de lavande de Mitcham, de pois de senteur, de bouquet. Une essence qui, lorsqu'elle est distillée par un artiste, mérite le nom qu'on lui décerne d'extrait de pré fleuri. Puis, dans ce pré, il introduisit une précise fusion de tubéreuses, de fleurs d'oranger et d'amandes, et aussitôt d'artificiels lilas naquirent, tandis que des tilleuls s'éventèrent, rabattant sur le sol leurs pâles émanations qui simulaient l'extrait du tilia de Londres. Ce décor, posé en quelques grandes lignes, fuyant à perte de vue sous ses yeux fermés, il insuffla une légère pluie d'essences humaines et quasi félines, sentant la jupe annonçant la femme poudrée et fardée, le stéphanotis, la yapana, le poponax, le chypre, le champaca, le sarcanthus, sur lesquels il juxtaposa un soupçon de seringa afin de donner dans la vie factice du maquillage qu'il dégageait un fleur naturel de rires en sueur, de joies qui se démènent au plein soleil. Ensuite, il laissa par un ventilateur s'échapper ses ondes odorantes, conservant seulement la campagne qu'il renouvela et dont il força la dose pour l'obliger à revenir ainsi qu'une ritournelle dans ses strophes. 1884, À rebours de de Huysmans, des Hyacinthes. Alors, Alain Corbin, on aurait presque pu placer ça en tête de notre émission. C'est une sorte de résumé de toutes les inventions et de la subtilité de ce qu'est une forme de haute civilisation par moment. Oh, tout est là. Tout est là. Je crois qu'on ne dira jamais assez l'importance des Hyacinthes de Huysmans. Parce que, d'abord, il y a l'artificiel. Vous savez que des Hyacinthes s'emploient à cultiver des plantes naturelles qui ressemblent aux plantes artificielles. Donc il y a une sorte de jeu sur l'artifice, déjà, au départ. D'autre part, il y a la volonté de composition, de composer quelque chose qui soit un poème, en fait. Et je crois que là, la littérature précède, éclaire et l'emporte, en quelque sorte. Je vais peut-être choquer les nez des grands parfumeurs, mais je crois que la littérature est première. Cette volonté de composer, d'introduire, de juxtaposer, tous ces mots sont dans le texte, des odeurs. Et donc, d'en créer une composition poétique de rires en sueur, de joie en plein soleil, qui évoque évidemment le désir, et en même temps, qui évoque un décor, en plein soleil, hein, en sueur. Donc, ce que vont faire les grands parfumeurs, Houbigant, 1892, par exemple, si je me souviens bien, c'est un des premiers à œuvrer dans cette perspective du poétique, du poème. Et du même coup, à utiliser tout un vocabulaire. Vous avez tout, on a tous remarqué l'extrême richesse et faiblesse à la fois du vocabulaire des parfums, c'est-à-dire un raffinement, des distinctions, des spécificités d'odeur, etc. Mais comme les grands œnologues parlent du vin. Ben oui, mais en même temps, un vocabulaire qui a du mal à trouver vraiment une définition qui soit olfactive, proprement dite. C'est-à-dire que c'est souvent par métaphore. Et au fond, tout est là. Je ne vois pas que les parfums aujourd'hui s'écartent de ce qu'est nos dévissements. C'est vraiment la naissance de notre modernité dans ce domaine. Ah oui, c'est la naissance de notre modernité. Et une modernité qui s'appuie encore de plus en plus sur les distinctions sociales. Parce que si vous regardez à la veille de Noël, les publicités pour les parfums de grandes marques, vous verrez de quel milieu social il s'agit. Hein. Ces femmes qui évoluent sont évidemment des femmes disposant des moyens considérables qui se lovent sur des lits, des literies tout à fait suggestives, mais en même temps extrêmement chères, extrêmement riches, ou qui se déshabillent, ou qui ôtent progressivement tout en marchant des robes somptueuses. Donc, vous avez vu cette publicité, oui. Là, on est tout à fait dans la distinction en même temps. Et puis, ça fait rêver, la distinction, ça c'est un des grands domaines. Vous nous dites qu'en somme, le fait que la distinction soit quelque peu effacée dans le domaine de l'hygiène corporelle, celle-ci se retrouve comme si elle était toujours indispensable à l'équilibre d'une société, je ne sais pas. En tout cas, elle se retrouve dans le domaine de la création des parfums, et oui, ce qui renvoie ces images d'aéroport que j'évoquais en commençant, parce que c'est à cet égard tout à fait parlant. Et puis il y a une autre donnée qui frappe dans ce texte, et comme d'ailleurs dans Baudelaire, c'est l'idée de la distance géographique, le rêve de l'Orient en particulier. On le trouve déjà chez Flaubert du côté des parfums, et on le retrouve dans les noms qui sont si importants, les noms de baptême de ces différents parfums. Les noms de baptême, ça c'est très intéressant, ça a été étudié. Hein. Il y a plusieurs séries, hein. D'abord les noms qui évoquent les cours royales. Le parfum de la reine de ceci, de la reine de ça. Déjà la reine de Hongrie, si vous voulez, à l'époque moderne. Mais il y a toute cette veine. Et puis la deuxième veine, parfum de Sissi. Effectivement, l'orientalisme. Hein. Le bazar d'Istanbul. C'est lié à une autre donnée que, depuis Saïd, on a beaucoup étudié, surtout les Américains, c'est que l'Occident est mâle et masculin et l'Orient est féminin, si vous voulez. Et qu'il y a une sorte de conquête, dans la conquête géographique qui s'opère à ce moment-là, il y a une sorte de rapport de genre, on pourrait dire. Et donc, il est assez logique que l'évocation des parfums soit orientale. D'autant que c'est l'érotisme aussi, les belles circassiennes. Dans la géographie de la beauté, parce qu'à la fin du XVIIIe, par exemple, beaucoup tente de dresser une carte planétaire des beautés féminines, et la circassienne et tout ce qui est entre la Géorgie, le Caucase, etc., paraissent les femmes les plus belles. Donc il est assez logique qu'on y fasse allusion à propos des parfums. J'évoquais Flaubert, mais on pourrait évoquer aussi les frères Goncourt, qui dans un de leurs romans écrivaient à propos d'un personnage que le seul nom de Constantinople éveillait en lui, je cite, « des rêves de poésie et de parfumerie » où se mêlaient toutes ces idées d'eau des sultanes, de pastilles du sérail et de soleil dans le dos des turcs. Tout citation. À fait. Excellente. Excellente citation, parce que ce sont vraiment les fantasmes tout à fait classiques du temps. Je vous propose, Alain Corbin, terminer par un hommage à ce qui demeure peut-être le parfum le plus célèbre, en tout cas en Occident. C'est numéro 5 de Coco Chanel, 1921. Et nous lui donnons la parole à elle, Coco Chanel. Je trouve que le 5 est joli. Et je mettais toujours, c'est moi qui les ai fabriqués, mes parfums, et je mettais sur la bouteille le numéro. Et j'avais fait ça. J'avais mis un morceau de papier, j'avais mis un 5. Et j'ai dit, ça, c'est très joli, c'est simple, et ça ne s'est encore jamais fait, c'est une nouveauté. Vous allez voir si ça plaira. Parce que je trouve que les noms, autrefois aussi, on donnait des noms aux robes. Alors c'était idiot, ça. J'ai changé ça, j'ai mis des numéros. C'est plus facile d'en tenir un numéro que d'en tenir un nom, qui est quelquefois ridicule. Comment on définirait la couleur du numéro 5 ? La couleur du numéro 5, c'est, à mon avis, le blanc et le cognac mélangés. Le luxe, là encore, le vrai luxe ? Très luxueux. Très luxueux parce que le blanc, qui est du papier Canson, et qui est aussi un symbole de luxe, parce que pour elle, le plus luxueux, c'était de protéger ce flacon qu'elle aimait bien par un étui. Ne pas faire, justement, un écrin qui soit... pour raconter une histoire comme tous les parfums de l'époque, mais au contraire, oublier ça et faire simplement un étui de protection pour que le verre nous soit protégé. Et en cela, elle était inspirée par... elle avait une trousse de voyage qui venait de la maison Charvet. Ça, c'est mon père qui m'a raconté ça. Et c'est de là que vient le premier flacon Chanel qu'il a après, lui, retravaillé. C'est-à-dire, c'était un flacon complètement plat qui était dans un petit étui. Et elle a fait des étuis, d'ailleurs, à un moment donné... en métal chromé, qui sont très jolis, comme une flasque. Et le flacon rentrait dans cet étui, bord à bord, et ensuite il a été en carton, et dans certains cas, il a été en parchemin blanc. Donc là, c'était, ou en cuir blanc, donc c'était très très luxueux. Numéro 5 de Chanel, vous parliez, Alain Corbin, des différents rythmes de la durée. Voilà en tout cas un parfum qui a traversé tout le XXe siècle, avec... tous les rêves qui s'y sont attachés, notamment lorsque Marilyn Monroe disait que quand elle dormait, elle était habillée uniquement d'une goutte de numéro 5. Oui, ce qui me frappe à écouter ce monsieur, c'est aussi la correspondance, si je puis dire, entre la création de ce parfum et l'abstraction. Tout ce qu'il nous a dit était pour faire de l'abstraction une sorte d'excellence de l'élégance et dans le domaine pictural, il y a peut-être des rapprochements à faire entre cette irruption du numéro 5 et l'histoire de la peinture, je ne sais pas. Eh bien, nous en resterons là en laissant nos auditeurs poursuivre cette réflexion tout seul, comme des grands. Merci beaucoup, Alain Corbin. Merci. Le livre fondamental que vous avez rédigé sur ces questions s'intitule, je le rappelle, Le miasme et la jonquille. Sa première édition remonte à 1982 chez Aubier. Flammarion l'a repris ensuite et il a été réédité tout récemment en poche dans la collection Chant Flammarion. Je rends hommage aussi à un autre ouvrage que vous avez rédigé, celui-ci tout récent, et dont peut-être la présence a pu apparaître ici ou là au détour de notre conversation. Il s'agit de l'harmonie des plaisirs, avec comme sous-titre les manières de jouir du siècle des Lumières à l'avènement de la sexologie, qui est paru chez Perrin en 2008. Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores utilisés sur le site de France Culture, à la page Concordance des temps, et vous pourrez naturellement réécouter cette émission, la télécharger, et si vous le souhaitez, nous le souhaitons en tout cas, réagir en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, avec la collaboration de Meryl Moneghetti, avec Eva Bester, Jérôme Bonnetin, Jacques Vinson, et aussi pour les Archivina, Hervé Evano. Vous venez d'entendre une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 2 janvier 2010, mon invité étant Alain Corbin, une émission qui s'intitulait « Les bonheurs du nez, odeurs naturelles et parfums artificiels ». Et la semaine prochaine, j'aurai le bonheur de vous retrouver pour la première émission originale de la rentrée, consacrée à Jules Vallès et ses combats avec Céline Léger.